Faustin Archange Touadéra, président de la République et chef d'État centrafricain, a fait parvenir un message de félicitations au maréchal Kim Jong-un. Le destinataire a adressé ses félicitations chaleureuses au maréchal Kim Jong-un au nom du peuple et du gouvernement centrafricain et en son nom propre à l'occasion heureuse du 9 septembre 2016, fête nationale de la République populaire démocratique de Corée. Il a souhaité le développement continu des relations excellentes d'amitié et de coopération entre les deux pays, conformément aux intérêts des peuples de deux pays.